Salut tout le monde, bienvenue dans la cave. Aujourd'hui, on va continuer notre chronique sur sens hexalogie avec Tom. Bonjour. Et Rafi qui est de retour. Salut. Alors, ça va, tu t'es remis, ça va mieux? Ouais, bah il faut bien au bout d'un moment. Bon. Tu nous as manqué. C'est gentil, vous m'avez manqué aussi. C'était pas pareil sans toi. Donc, bon voilà, on va commencer sans plus attendre. Donc, aujourd'hui, on finit Renaissance. Enfin. Ouais, ça va être cool. Le côté, enfin, la grosse bataille épique et tout. Ouais. Sauf que avant la dernière épreuve, Tom, t'as fait un solo. Ouais, on a fait un solo que t'as intitulé Visage. Mm-hmm. C'était. Il me semble qu'on est parti sur le fait que Solipsis m'a demandé de venir la voir pour m'expliquer qu'elle avait eu des informations comme quoi sur une île il y avait une espèce de... un vieux, tu sais, une espèce de... je sais pas si c'est ça, c'était un vieux ouais, ouais, une sorte de ouais, gourou. Un gourou qui avait plus ou moins des pouvoirs. Ou en tout cas, qui était avec une apprentie ou quelque chose comme ça, et qu'elle avait lu ça dans une espèce de revue scientifique. C'est un rapport, en fait. Un rapport, voilà. Que des résistants lui ont transmis. Et du coup, elle voulait en savoir un peu plus, et elle m'a demandé s'il y avait moyen de partir sur cette île. Donc voilà, l'objectif, c'était d'enquêter sur ce qui se passait sur cette île, qui était... Ouais, a priori, ça paraissait être une mission... relativement tranquille, mais bon, j'étais pas rassuré à l'idée de partir tout seul et tout, donc j'avais demandé à Sword s'il y avait pas moyen d'avoir quelqu'un. C'est vrai. Et oui, et tu m'as calé un petit PNJ dans les pattes, et tu m'avais demandé comme ça, bah tu veux quoi du coup, plutôt un bug, plutôt un PNJ. Je fais, ah non, moi je veux juste quelqu'un pour pas m'ennuyer sur la route et tout. J'étais parti avec un soldat, ouais. Bah j'étais parti avec 24. 24, qui faisait partie ouais, de la même confrérie d'assassins que 99. C'est ça. Et du coup. C'était assez drôle hein, parce que c'était le même genre de bonhomme, tu vois, que 99, le mec qui parlait pas, tout dans les règles. Non, mais c'est comme ça et tout. Franchement, je serais parti tout seul, ça aurait été la même hein, parce que pendant le voyage, je me souviens, on s'est bien déliré parce que je regardais comme ça et tu sais, je venais de me mettre à la sculpture, faire des trucs. Et du coup, je sculptais mes trucs dans le subséride et je prenais mes petits bouts de cailloux qui traînaient et je lui envoyais à la tête, tu vois, pour le faire réagir. Et lui, il branchait pas. Et du coup, lui, tu vois, j'étais censé être son supérieur hiérarchique et tout. Et c'était la première fois que j'étais aux commandes un peu d'une équipe, sachant que j'avais refusé de prendre le commandement de l'équipe après le départ de 99. Mmh. Donc c'était assez marrant de voir. Et lui, il était là un peu comme ça. Non, mais attends, mamie, avec qui, c'est quoi ce chef et tout, c'est ça les bugs et tout, mais. Où est-ce que j'ai... Ouais, il était déçu. Bah, disons que j'ai fait une impression un peu étrange, tu vois. C'était le mec, j'étais le mec vachement détaché. Non, mais tu vas voir, ça va bien se passer et tout. Et tu vois, le mec, le chef d'équipe complètement à l'arrache. Hein, on arrive sur la plage, sur l'île et tout. Et on fait, ouais, bon, on va passer la nuit là et tout. Ouais, faut peut-être tendre des pièges, tu sais, pour se protéger et tout. Je fais, ouais, bah je vais enterrer des grenades comme ça et tout. Il me fait, attends, mais t'es complètement fou. C'est peut-être plus simple de faire, tu sais, des espèces de pièges en tendant des fils un peu partout et les reliant, tu sais, en les reliant à nos doigts. Et du coup, il m'explique ça. Alors en fait, c'était plus où je trouvais que c'était un peu lui qui était le cerveau. Moi, j'étais là surtout pour faire... Ouais, pour dire, ok, on fait ça. Ok, on fait ça. Je me rappelle, lui, il hallucinait complètement. Ouais, quoi. Mais c'était cool, franchement. C'était marrant, ouais, il y avait le côté... on était aux antipodes, hein, de toute façon. Non, c'est bien Moi, je me suis bien marré. Franchement, ce PNJ, je l'ai grave kiffé et on va le garder pendant un moment quand même. Il va revenir assez régulièrement. Mais c'était la bonne rencontre. 24, ça a été un bon PNJ, un bon souvenir. Et du coup, bah, on arrive tous les deux, tu vois, sur l'île. Et quand on décide de s'aventurer un peu sur cette île, on découvre... on décide un peu de se séparer. Dire, bah, toi, tu te mets un peu, tu vois, à l'écart, tu fais le vigile, tu vois. Pendant que moi, je vais à la rencontre de la population. Et du coup, on a rencontré cette fille qui vivait dans une espèce de cabane avec plein d'animaux, en fait. Et c'était... un espèce de stéréotype de Blanche-Neige, quoi. J'arrive et tu me décris ça comme ça, bon bah là t'as une petite brune qui est là et en fait bah tu vois t'as limite les oiseaux qui prennent le drap et qui le posent sur le fil, t'as les cerfs aussi qui sont là, c'était vraiment le, t'sais, l'image de Blanche-Neige comme tu vois dans le Disney, ouais, t'sais, qui vit avec ses animaux et tout, et moi je fais ouais ok bonjour, elle était surprise, elle fait mais toi vous êtes qui et tout, alors... J'ai essayé de faire ça un peu discret, de dire que... T'es pas arrivé en armure. Ouais, je suis pas arrivé en armure. Pas comme un bourrin, comme d'habitude. Ouais. Non, j'ai dit que, voilà, j'avais appris qu'il se passait des choses un peu extraordinaires sur cette île, et je voudrais savoir s'il y avait possibilité d'en savoir un petit peu plus. Tu vois, je me suis présenté très amicalement, et elle m'a expliqué qu'elle, elle était plus ou moins avec un... Bah, du coup, avec le gourou. Je sais, ouais, avec un gourou, et elle m'a dit, bah, je peux pas trop vous en dire, il faut que je vous présente à lui. D'accord, t'as amené jusqu'à ce gars-là, il me semble. Ouais, ouais, elle m'a amené jusqu'à ce gars-là, et du coup, je suis resté encore très poli, très courtois. Je faisais des petits gestes discrets, c'est pour indiquer à 24 dans quelle direction je me dirigeais à chaque fois, parce que lui, c'était un sniper aussi, plus ou moins, donc il pouvait me voir à la jumelle. Il voir était resté que en retrait, ouais. Ouais. Et du coup, on arrive face à ce gourou, et il commence à me parler... Il me dit non, il était pas chaud lui. Il fait ouais, il y a déjà quelqu'un qui est venu, qui nous a posé des questions. Ça s'est plus ou moins bien passé, mais voilà, on n'est pas là pour ça. Je lui fais oui, non, mais moi je suis pas là pour vous créer des problèmes et tout. Si ça vous arrange pas, voilà, je vous assure que je voulais juste savoir un peu, en apprendre un peu plus sur vous et tout. Mais on n'était pas très chaud. Du coup, j'arrive à le convaincre. Grosso merdo, il était... C'est là qu'ils t'ont amené sur la plage après. Bah, il me dit qu'ils vont me faire du coup une petite démonstration. Mais du coup, avant, je lui explique que voilà, moi j'aimerais bien prendre une vidéo. Et je lui explique du coup que bah, pour prendre une vidéo, je lui explique que voilà, moi j'ai une armure quoi. Et je mets mon armure devant lui. Et là, il me regarde avec un air. Tu sais, ouais, ok. Ça va, ça me pose pas de problème, mais après, voilà, faudra partir. Mais du coup, c'était... Il m'amène jusqu'à... On voit la démonstration de... Cette fille qui s'appelait Oiwa. Oiwa. Qui vient sur la plage, me montre ça. Ah, il faut... On a oublié un truc. Au tout début, j'ai eu une vision en arrivant sur l'île. Ah oui, la première nuit que vous avez passée avant de... Oui, avant d'arriver, de rencontrer Oiwa. Juste en arrivant sur l'île, j'avais eu une vision dans un rêve d'un espèce de cerf sans museau, avec quatre yeux et... Mais j'étais toi seul dans une prairie face à ce cerf et je savais pas trop, ça me disait rien. Mais voilà, vu que c'était important pour toi, je pense qu'il faut l'évoquer. Ouais, ouais, c'est vrai que oui, oui. Voilà. Donc là, après, il y a cette scène sur la plage là qui est donc inspirée de... De la scène d'FF10 avec Yuna Kilika, comme on a parlé. Il y a Oiwa qui se met à pratiquer une espèce de danse sur l'eau en fait. Ouais. Ouais, où t'as comme bah, des espèces d'esprits qui tournent autour d'elle et tout. Des feux follets, ouais, qui dansent plus ou moins avec elle. Il y a l'eau qui danse aussi, enfin, c'est... Mais c'est un spectacle super beau, super gracieux. Et moi, j'étais un peu perdu, je me demandais, bah, qu'est-ce que, tu vois, ce que c'est et tout. Elle me fait sa petite démo, après, elle ressort, elle vient me parler et tout. Et du coup, on discute. Et je lui fais oui, et du coup, est-ce que vous savez comment ça, d'où ça vient et tout. Elle me fait bah non, moi j'ai toujours eu ça, je sais pas trop comment ça se fait. Et elle me et je lui demande si c'est tout ce qu'elle sait, si c'est tout ce qu'elle sait faire, tu vois, mais pas pour l'insulter. Tu peux dire directement ce que t'as pris plutôt que de nous refaire les dialogues. Ouais, mais du coup au final elle décide de, elle me fait non, il y a autre chose que je sais faire. Et elle décide de poser sa main sur ma tête et là nouvelle vision extraordinaire, mais alors là pas du tout aussi paisible que la première. Je me retrouve dans une arène de flammes, avec un public de ouf, une grosse ambiance, avec des mecs qui s'affrontent dans l'arène, qui s'envoient de la lave, des flammes, il y a des tambours et tout. Et là, je me dis, oh, ça a l'air génial ici, mais qu'est-ce que c'est et tout. Et au final, elle m'a dit qu'elle savait pas... Elle savait pas plus que toi. Ouais, qu'elle savait pas plus que moi ce que c'était. Et au final, après, elle m'a raccompagné jusqu'à la cahute qu'il m'avait donnée. Sauf qu'il y avait un petit délire sur cette île que tu avais rajouté. C'est que sur cette île, il y avait plein d'animaux qui étaient autour de nous. Et il y avait un chat. Il y avait un putain de chat qui arrêtait pas de nous suivre. Mais moi, je savais pas. Disons qu'il y avait plein d'animaux qui vous suivaient, mais il y avait une petite minette qui arrêtait pas de te coller aux pattes et tout. Ouais. Et du coup, mais au point que tu vois que ce chat, il venait jusque chez moi et qu'il voulait passer la nuit avec moi. Alors à un moment, je fais bon, bah le chat, il est là, voilà, je vais lui donner une gamelle d'eau, quoi. Là, je lui donne une gamelle d'eau au chat, et là, le chat, il boit pas. Du coup, je regarde le chat bizarrement et tout, et tu vois, il vient se coller sur moi et tout. Et là, je regarde, je fais « Sauveuse ?» Et là, t'as le chat, il me regarde avec des yeux, mais tu vois, exorbité, il fait un pas en arrière et tout, il se sent pas bien. Et là, bah c'était sauveuse. J'avais une nécrose sur ce coup-là. Et du coup, elle prend son apparence normale et tout, et elle me raconte. Je fais, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Elle te raconte que. Bah, en fait, tous les animaux qui sont là autour de sur l'île, c'est des quadrillas, quoi. Des quadrillas de vie. Alors là, moi, je me dis, attends, je suis sur une île avec que des quadrillas, je suis tout seul, il y a 24 qui est planqué quelque part, mais c'est un humain, il va pas trop m'être utile sur le coup. Et je dis, on va peut-être la jouer profil bas, quoi. Et au final, elle me raconte toute l'histoire de ce village. Elle m'explique que. Elle me dit, bah attends, on va passer de l'autre côté, dans l'ombre monde. Et en fait, dans l'ombre monde, t'as le même village, mais qui est complètement détruit. Et elle me raconte qu'à l'époque, les quadrillas pacifiques qui vivent dans ce village, dans notre monde, vivaient dans ce village. Et en fait, qu'ils ont été chassés par la résistance, par Philandfinger. L'ombre Philandfinger. L'ombre Philandfinger après leur naissance. Parce qu'ils ont été perçus comme une menace et tout, et que du coup ils ont décidé de se réfugier dans le monde réel après, pour dans notre monde, pour essayer de vivre en paix. Et du coup, là, ce grand débat, savoir, non mais attendez, on nous a déclaré la guerre dans 6 mois à Berlin, qu'est-ce que tu me chantes là et tout, il y a peut-être plutôt moyen de s'allier contre l'Omicron plutôt que de faire ça. Et j'apprends plus ou moins que du coup le vieux qui est avec Oiwa, c'est Kranisten. Elle m'explique que c'est l'éveillé. Et du coup je fais oh punaise, où est-ce que je suis là? Surtout que j'apprends que voilà, 24 il a eu un problème dans en parallèle. Qui me dit ouais, il y a quelque chose qui se passe, il y a du mouvement, tout ça. Alors je me dis oh putain, là ça commence à puer et tout. Et au final, on apprendra que c'est les quadrillas qui ont voulu lui faire perdre connaissance pour qu'il en soit fait, tranquille. Ils lui ont fait peur. Ils ont eu des nombreux pouvoirs pour lui faire faire les petites. Je sais plus si ils peuvent faire ça, mais enfin, grosso modo, ils ont fait apparaître devant lui des espèces de visions fantomatiques, des trucs bien flippants, et le mec, il a fini par tomber dans les vapes. Hein. C'est ça. Et au final, après qu'elle m'ait raconté ça, on est repassé dans le monde réel, tranquillou. J'avais promis au vieux que je partirais le lendemain, donc je me prépare à partir, mais il vient m'accueillir, tu vois, pour me dire « bon, bah vous partez » et tout. Et là, je lui lance un petit pic, tu vois, en mode « vous savez, il y a peut-être d'autres solutions que, que la guerre et tout. » Tu vois, en mode « voilà, je suis très bien quitté et faut faire autrement, tu vois. » Faut peut-être trouver une autre solution, quoi. On peut peut-être s'entendre. Mais ça reste juste, tu vois, un gros sous-entendu, et je me barre en récupérant 24 et on part. Et en fait, sur le coup, sur l'île, j'avais pas calculé, mais quand j'étais en armure avec Oiwa, tu m'avais fait remarquer que l'armure frétillait. Et moi, j'ai pas tilté, mais tu voulais me faire comprendre, en fait, que c'était un bug, en fait. Ouais. Que Oiwa était un bug. C'est une bug, et tu l'as pas du tout tilté. C'est en revenant et en racontant la partie à Rafi. Oh, j'étais fou quand il m'a dit ça, quoi. J'étais fou, je fais attends, t'as rencontré un bug avec des quadrillas et tout, tu l'as laissé sur place. Ouais, mais du coup, après on en a discuté avec Rafi, tu vois, et je me suis dit que en fait, si les quadrillas étaient avec un bug, vu que les bugs sont pas vus par Miphos, c'était sûrement un moyen pour eux d'échapper au regard de Miphos. Du coup, que c'était un moyen pour eux d'être vraiment libres, et est-ce que du coup, ils étaient vraiment du côté de Miphos? Tu vois, est-ce que. Ça dépend, ils peuvent utiliser Oiwa juste comme un outil, du coup. Non, mais. C'était. Oui, ça a posé pas mal de questions. Ça a posé pas mal de questions, c'était vachement intéressant tout ça. Puis voilà, du coup, après c'était. Je retourne à la base, et en fait, avant de partir, il m'avait dit faut que tu révèles pas ça, quoi. Tu dis pas qu'il y a des quadrillas sur cette île, que tu racontes rien aux résistants. Alors là, gros dilemme psychologique et tout, pour savoir est-ce que je le dis, est-ce que je mens. Et quand je suis rentré, en fait, là on va enchaîner du coup avec la partie, parce qu'on ouais. a fini là-dessus en fait, et après on a enchaîné avec mmh. le dernier scénar. Et quand j'arrive pour faire mon bilan, on m'explique que ce village a été bombardé par un tir géostationnaire et que tous les habitants de l'île, a priori, sont morts, quoi. Que les deux habitants qu'il y avait sur l'île semblent voilà, être morts. Enfin, l'île avait été rasée, quoi. Voilà. Enfin. Donc, début de dernier scénario, je pense avoir perdu sauveuse. Donc, je suis très mal et on fait... Du coup, je leur dis. Du coup, je dis à Philon de Finger et à Solipsis, bon, bah, il y avait des quadrillas pacifiques là-bas et... ils auraient peut-être pu nous aider. Et voilà, on commence à faire le débriefing. Ils nous expliquent que du coup... Okay. C'est le moment où Philon Finger après va enchaîner en nous disant « Bon bah maintenant, de toute façon, il nous reste 6 mois pour Berlin. C'est le moment où je vais prendre les choses en main et on va commencer le vrai entraînement, quoi. Vu que Gladius est plus là... » C'est le moment où il essaye de remplacer les Gladius, quoi. Alors toi, Rafi, t'as fait des trucs pendant cette partie. Avec ton perso. Ouais, parce que du coup, mon perso, à ce moment-là, est victime de cauchemars. Ouais. Il est victime de perte d'énergie en soi. Mm-hmm. Il se sent faible, il se réveille dans l'ombre monde, alors qu'il s'est couché dans le monde réel. Enfin, c'est d'un point de vue santé, c'était pas la fête, en sachant qu'il venait juste d'adopter. Il fait des rêves où il est dans l'ombre monde sans armure. Sans armure, ouais, des rêves étranges, quoi. Comme si l'ombre monde était l'endroit où je vivais, quoi. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à rester dans le monde réel, de toute façon. Il m'est vite apparu que pour me sortir bien, il fallait que j'aille dans l'ombre monde. Mais tout ça faisait beaucoup paniquer Trevor. Et puis toi, tu savais très bien ce que... Moi, ce je savais où est-ce que ça m'amenait, ayant déjà joué une fois. Et du coup, on a beaucoup joué là-dessus, toi et moi. Et on en arrive au moment où, du coup, Trevor... invite Shaq à boire un café ou une connerie comme ça, je sais plus, et avec insistance va lui faire passer un pacte pour qui dit que s'il arrive malheur à Trevor, Shaq devient responsable de sa femme et de son fils fraîchement adopté. Non, c'était tu voulais que je sois le parrain du petit. Oui. J'avais pas à m'occuper de Laura, fallait que je m'occupe du petit. Ah. C'était en gros tu seras le parrain donc et moi j'étais pas d'accord mais du tout quoi. Moi j'étais en mode mais non mais de toute façon tu vas t'en sortir, tu vas pas me faire chier avec ça, je refuse de signer ton papelard parce que voilà de toute façon tu vas nous porter la poisse, c'est pas possible. Mais bon comme il a vraiment insisté, c'est vrai qu'au final j'ai accepté de signer son putain de papier quoi. Mais bon, j'étais vraiment pas chaud. Et après, je l'ai dit, pour quand on a noté les faits, j'ai insisté pour que dans mes faits, il y ait marqué que j'étais pas chaud pour signer ce papier, quoi. Que je l'ai fait à contre-cœur. Mais bon, au final, voilà, je me retrouvais plus ou moins lié en cas d'éventuel décès ou disparition de Trevor. Donc ça, tu vois, j'enchaînais les merdes là sur cette partie. Je venais d'apprendre que Sauveuse était potentiellement morte. Moi je déprime. Lui il déprime et il veut me refiler son gamin. Tout était beau là. Ça partait bien. Puis après on s'est tapé l'entraînement avec Philon de Finger. Alors super entraînement. Moi j'ai trop kiffé l'entraînement avec Philon de Finger. Faut quand même reconnaître la puissance et l'art du combat de Philon de Finger. Ouais. Le mec, il nous a tous... Tu sais, il a réuni les bugs, un peu comme Solipsis fait à la première partie, tu sais, il fait, voilà, en gros, ce qu'on vous a appris avant, c'est bien mignon, mais maintenant, faut savoir se battre, quoi. Et il nous emmène dans l'ombre monde, il met son armure et tout. Nous, on met la nôtre aussi, il fait, il y a un volontaire pour se la mettre. Ah bah, moi, tout de suite. Ah ouais, moi, je suis chaud, là. Bon, bah, vas-y. Essaye de parer ce coup-là. Alors, j'utilise mes ombres pouvoirs, je monte ma rune au max et tout. Et lui, il arrive, boum, il pète le tout en un coup d'épée. Au final, j'avais même pas assez de blessures sur mon armure, tu sais, pour pouvoir qu'elle résiste. Donc, t'as bidouillé un peu le système pour que mon armure explose pas et que je sois pas mort du choc ontologique sur le coup. Mais du coup, voilà, j'étais vachement impressionné par... C'était la démonstration de force de Fjordfinger. Voilà, c'était... Pour nous, c'était tout nouveau, on savait... c'était une légende, mais on l'avait pas vu encore, quoi. Voilà, et là, c'était le moment où est-ce que tu nous l'as montré, quoi. Et, bah oui, ça calme un peu, quoi. Bah, là, sur le moment, c'était... Ah ouais, en fait, c'est ça l'archange de la résistance, quoi. C'est ça, le mec qui a libéré la Nouvelle-York et le monde en 3 jours. Pas le monde, mais... New York, déjà. Mais oui, oui, d'accord. Bon, du coup, tout ça, les scènes d'entraînement, il y a eu quelques échanges de coups, des trucs comme ça. On a fait ça vite fait, hein, tu vois, il nous a juste... Mais on s'est plus ou moins préparé psychologiquement. C'est des moments où je rappelle les règles, les bonus que vous pouvez avoir. Ouais. C'est des petits moments tuto. Ouais. C'est le moment où nous, on essaye des trucs aussi. Bah, oui. En fait, on a surtout préparé... après, on a surtout préparé tactiquement. On le faisait pas trop, ça, avant. Ouais. Mais là, on a surtout préparé tactiquement l'arrivée... à Berlin. On s'est dit, voilà, comment ça va se passer. On a voulu s'entretenir avec Fjordfinger. Il nous a dit, bah, on va emmener Wilfried avec nous. Ce qu'on va faire, on va se diviser en 4. Il y en a un qui partira au nord-est, un autre au nord-ouest, et les deux autres sud-est, sud-ouest, quoi. Donc chacun à la tête d'un escadron, et ça se passera comme chacun ça. Chacun avait un lieu stratégique, ensemble. Ouais, voilà. Chaque groupe avait... Il y en a qui devaient s'occuper de la base marine. Le port pour Trevor, la station spatiale pour moi. Ouais. Et le Fjordfinger voulait prendre la place centrale, je crois. Là où il y avait censé y avoir le point fort de l'Omicron. Et Wilfried avait un autre truc à prendre, mais... En sachant qu'on savait pas où seraient les quadrillas, quoi. On savait, oui, ouais. C'était le grand... Ils pouvaient débarquer n'importe où, quoi, dans notre histoire, quoi, dans le plan. Et du coup, on prépare notre invasion de Berlin, avec on prend nos subsérides, on fait un débarquement à Berlin. C'était super sympa. Ouais, le jour J. D-Day. Ouais, avec le gros débarquement, où en fait, on fait descendre les troupes sur la plage de Berlin, avec... Il y avait du coup Trevor, Shaq... Et Wilfried et Fjordfinger, chacun à la tête de leur escadron, et on fait bon bah les gars, voilà. Moi j'avais 24 en plus dans mon escadron, donc j'étais content. Toi, et on commence à se briefer, je dis à Trevor, bon bah bonne chance et tout, si t'as un problème t'hésites pas, on se retrouve et tout. Oui. Et je brief 24, je lui fais, s'il y a un moment tu vois que je me barre, c'est toi mon commandant en second, et tu prends la suite, quoi. Mais j'avais commencé en fait le gars il commençait déjà à donner des ordres et tout. Mais tu sais, j'avais quand même briefé pas mal de gens, je m'étais entretenu aussi avec Wilfried pour lui dire voilà, à Berlin il se peut qu'on trouve des quadrillas. Alors, et là je leur ai raconté l'histoire de Sauveuse et je leur ai dit voilà, s'il y a une quadrilla que vous rencontrez qui est comme ça, s'il vous plaît, la tuez pas, quoi. J'avais mis mes trucs en place, tu vois, pour. S'il vous plaît, quoi. Ouais, et Wilfried, il m'avait dit t'inquiète et tout, si c'est important pour toi, je ferai en sorte voilà, que ça se passe bien et tout. Et du coup, on ouvre la partie chacun de notre côté, quoi. Chacun avec sa mission pour le grand final, quoi. Ouais. Ça a été un grand final, quoi. Ça, c'était un nouvel essai que j'ai fait, le coup de mettre des endroits stratégiques et tout, vu que vous étiez que deux. Même si vous aviez été plus nombreux, je pense que c'est quand même une bonne idée. Bah moi je trouvais ça bien qu'on soit séparés du coup, parce que c'est vrai que quand tu fais une grosse attaque comme ça, on n'attaque pas tous au même endroit, quoi. Il faut qu'on ait un plan, quoi. Et du coup nous séparer semble super particulièrement logique, quoi. Mais du coup moi ça me stressait un peu parce que je me disais, tu vois, on est chacun de notre côté et ce qui faisait notre force pendant la campagne c'était le fait qu'on soit deux, ouais. À chaque fois qu'on soit tous les deux. Et du coup, moi j'avais une petite réticence, je me disais je pourrais pas protéger son cul, sachant que j'avais promis à Laura, t'inquiète pas, il lui arrivera rien, je suis là pour protéger sa arrière et tout. Promis, je me rappelle. J'avais promis à Laura avant de partir que je le protégerais et tout. Et du coup, une fois sur place, donc toi Rafi, c'était la base navale. Ouais, moi je me suis occupé de la base navale avec mon escadron, quoi. Tout se passe plus ou moins bien, hein, c'est normal, on s'en sort plutôt bien. Jusqu'à l'apparition de Virtuose, il me semble. Oui, c'est ça, Virtuose, hein, qu'on avait rencontré sur le scénario 99 et qui s'était fait la malle. C'est celui-là. C'est ça. Qui du coup, pour être très sincère, me colle une branlée. Ah, déjà, mais pour commencer. Elle te fout une méga branlée. Hein. Je prends une méga branlée. Il y a Sauveuse qui débarque. qui vient pour me donner un coup de main, quoi. Donc voilà, je suis avec Sauveuse en train de me battre contre un autre Kadria, c'était assez inattendu. Et du coup, le combat, on se fait dérouiller. Et il y a un moment où Virtuos prend une. S'illumine en fait. Il commence à s'illuminer. Bah, il passe clairement en furie en fait. Et il passe en furie. Et du coup, il finit par exploser. Et Sauveuse me dit de passer dans l'ombre monde. Sauf que. Bah, j'ai pas eu le temps. Et mes derniers mots ont été pour Philandfinger. Ont été grand-père, aide-moi. Et boum, explosion, quoi. Donc là, ouais, toi, de ton côté... Non, mais c'était horrible. Je te dis que de ton côté, tu vois l'explosion... Je peux montrer, ouais, bah moi, j'étais en train de faire mon assaut sur la base spatiale, où moi, j'affronte des chars et tout avec mon escouade, et où, en fait, il y avait un quadrilla qui était en train de se battre contre l'Omicron. Et du coup, au début, je fais « Bon, bah, les gars, je dis à mon escadron, couvrez-le, il faut le sauver et tout. » Sauf que là, tu me fais « Bah, le char, il tire sur le quadrilla, il explose. » Voilà, ok, bon, bah, on se fait les chars, on prend la base spatiale et... au moment où on prend la base spatiale, je vois l'explosion. Et moi, comme j'avais suivi la scène en role, pas en roleplay, mais tu vois, en spectateur de Rafi, là, je me dis, oh putain, Sauveuse, elle est là. Oh putain, Trevor, il vient de crever. Qu'est-ce qui se passe et tout. Moi, j'en pouvais plus. Et là, je regarde 24 et je lui fais, bon bah, tu te souviens ce que je t'ai dit sur la plage? C'est le moment. Tu prends le commandement. Et t'es parti. Et je suis parti. Et là, toi, tu me dis, il y a Philandfinger qui essaye de te contacter, qui dit qu'il a besoin de renforts sur la place centrale et tout. Tu me fais, du coup, t'as pas le choix. Soit tu vas voir Trevor, soit tu vas là où t'as vu l'explosion, soit tu rejoins Philandfinger. Et du coup, j'ai fait, bah, shit dedans, fais de cellulis. Et du coup, j'ai réutilisé le vaisseau de Stargate, tu sais, pour qu'il me téléporte directement sur l'emplacement de Trevor. Et comme ça, ça me permettait de gagner du temps et arriver directement après sur Philandfinger. Ouais. Et on avait bien joué sur le trip, tu vois, j'étais en train de courir et là je me fais téléporter dans le vaisseau. Et là, il y a, je crois c'est peut-être Daniel qui me regarde, tu vois, j'étais en train de courir, il me fait « Je sais, vous êtes pressé, je vous téléporte et tout. » Et là, j'arrive sur place, il y a des cendres partout, la bâtisse, elle est effondrée, pas de signe de vie, pas de Trevor. Et du coup, je fais « Bon, bah ouais, j'ai rien à faire et tout, je peux pas rester là plus longtemps. » Faut que je rejoigne Philandfinger, quoi. Donc j'arrive sur la place centrale et pas bien, tu vois, mais en mode il faut qu'on finisse ça, quoi. Et quand j'arrive sur la place centrale, je vois le combat, les forces de l'Omicron qui tiennent, tu vois, le Kremlin, je crois, ou un truc comme ça. Philandfinger qui essaye de prendre la place, et là tu me fais, et là tu regardes sur ta droite et tu vois un quadrilla face à trois chars qui est en train de sauver une petite fille. Ce quadrilla, c'est Sauveuse. Oh putain, j'ai dedans, j'y vais. Et là, mais moi j'en pouvais plus, j'étais en pression, mais pendant toute la partie. Alors là, j'arrive sur les charges, je commence à vouloir les dérouiller, mais c'est pas possible parce que j'ai déjà pris trop de blessures. Et en j'en fait, peux y, plus. Mais il y avait d'autres quadrillas qui étaient là de toute façon. Ouais, il y en avait d'autres qui essayaient de prendre la place, mais Sauveuse était un peu à l'écart, tu vois, en train d'essayer de sauver une petite fille, et moi je voulais les protéger, mais je pouvais plus, tu vois, j'étais plus en état pour pouvoir les défoncer, j'allais me faire tuer en final. Et là, tu me dis, et là, il y a le char, et voilà, il va te tirer dessus, ça va être la fin, quoi. Et là, est apparu, dans un émat d'éclairs et en criant « Renaissance !» Ah, t'as fait saturer le truc. Le... Ouais, que je désature ça. Le quadrilla que, du coup, j'étais devenu. Voilà, parce qu'on s'était mis d'accord. Sur un petit. Enfin, je t'avais dit, au moment, tu comprendras. Voilà, on avait prévu un petit signe qui disait à n'importe quel moment à partir de là, tu peux revenir, quoi. Et du coup, j'ai attendu le moment où Shaq, il était vraiment trop en danger et tout. C'est un miracle. pour arriver, quoi. Et du coup, bah voilà, je suis arrivé, hein, le tout en fanfare, quand même, parce que j'ai retourné les trois chars. Un grand coup d'ombre pouvoir, j'ai retourné les trois chars. Alors, je me suis présenté à Shaq en disant que j'étais Trevor, parce que techniquement, je me suis pas rendu compte du changement. Voilà, j'étais là, j'ai vu Shaq, j'ai agi, quoi. Sans vraiment réfléchir, je m'étais pas encore rendu compte de. Oui, d'accord, c'était en réflexe. Quoi. Ouais, de ma transformation, quoi. Du coup, j'ai dit directement à Shaq que j'étais Trevor, quoi. On a continué le combat, hein, parce que du coup c'est pareil, on s'est retrouvé au niveau de la plage, il y avait toute une ligne de l'Omicron et tout, et du coup avec les ombres pouvoirs j'ai créé une grosse vague de terre qui les a tous retournés. Il les a tous blessés parce que du coup, on avait pour limiter l'utilisation du pouvoir, je les ai pas tués quoi. Je les avais juste blessés suffisamment pour qu'ils se relèvent pas. Bon, de toute façon, c'était un peu en mode vas-y, contemple le pouvoir du quadriade. C'est ça. C'est ça. Je crois quoi. Qu'on a même pas compté l'utilisation des ombres pouvoirs, c'est le décompte des. Ouais, non. Jay m'a tout laissé passer quoi. Sur ce coup-là, j'ai fait deux actions et il me les a laissé passer toutes les deux quoi. On n'a pas cherché à comprendre. C'était sur le moment, fallait que je t'impressionne. Très impressionné, hein, de toute façon. Moi, je comprenais pas trop ce qui se passait. J'étais un peu en mode mais c'est qui celui-là? Je l'ai jamais vu. Et tu vois, moi, il venait de me sauver la vie. J'ai fait bon, bah, il faut que je retourne voir Phil. Il faut que j'aille soutenir Phil and Finger. Et c'est vrai, il me fait comme ça. Je sais pas quitter, mais en tout cas, merci et tout. Et lui, au loin, comme ça, je l'entends pas très bien, mais il me fait bah, c'est moi, Trevor. C'était un truc, tu vois, tout con comme ça. Mais moi, sur le moment, j'ai pas trop calculé. Du coup, là, après, il y a le baston final contre Kranisten. Ouais, où on peut pas intervenir. C'est une cinématique entre. Phil and Finger et Kranisten, le combat entre les deux gros bourrins, bien épique, tu vois, où tout le monde est plus ou moins en cercle autour d'eux. Je crois qu'il y avait même, t'avais même fait un trip comme quoi il y avait une espèce de sphère qui faisait qu'on pouvait pas, un nombre de pouvoirs qui faisait qu'on pouvait pas venir s'interposer dans leur combat. Ah, il me semble que Kranisten avait fait ça, oui. Il avait fait ça pour que ce soit plus pratique et comme ça c'était une cinématique point barre. Oui, c'est ça, on l'a vécu vraiment en cinématique, on voyait ça et tout. Et bah du coup avec Phil and Finger qui finit par le tuer et Kranisten qui fait son discours ou je sais pas quoi son coming avant, out ouais, avant de sur mourir. Le fait qu'il était là pour nous entraîner et tout tout le trip des quadrillades vie quoi. Ouais, donc, Miphos est en train de faire un véritable crime contre l'humanité. Ouais, ça on le savait déjà quoi. Ouais, non, mais nous on l'aimait déjà pas, donc c'était pas un problème, mais il parle de la respiration, je crois. C'est son dernier mot. Ouais. Mais c'est le fait que du coup les quadrillades n'étaient pas réellement nos ennemis et tout ça au moment où ça arrive, parce que à ce moment-là, au moment où est-ce que tout ça arrive, on a quand même le ciel qui commence à se dégager et tout, et en fait on n'a pas affronté les bons. Nous on arrive, la terre est sauvée, on a foutu le Micron dehors, mais en vrai nos gros ennemis les quadrillades, bah en fait c'était pas les ennemis que. Ouais, on avait sauvé sauveuse quand même. Ouais, on a sauvé sauveuse. La dernière ton intervention au dernier moment a fait que. Au moment des chars, ouais. Du coup, elle était sauvée et ça a été la bonne nouvelle pour moi de la journée. j'ai perdu Trevor dans l'histoire, mais sur le moment. Et puis il y a la renaissance quand même. Ouais, mais ça, c'était super cette scène, tu vois, au moment où bah, du coup on a la victoire avec le ciel qui se dégage, le soleil qui apparaît. Et la première fois qu'on voit le soleil. Quoi. Et je crois, Solipsis qui envoie un message en disant. Azilis vient de sourire. On a des. Et là, gros point mystérieux quand même sur cette déclaration là. Mais c'est tellement la classe. Mais ouais, mais c'était trop bien, trop. Franchement, moi j'ai trop kiffé ce. Déjà que c'est un personnage bien énigmatique, Azilis, quoi. Le fait qu'elle sourit à ce moment là, alors que ça fait je sais pas combien de temps qu'elle a eu aucun mouvement, qu'elle est privée de tous ses sens, ou je sais pas quoi, et bah. C'est quand même super mystérieux qu'à ce moment là, pouf, elle sourit. Ah ouais, mais c'était trop bien. Moi j'ai trop kiffé. Franchement, tu t'imagines trop, tu sais, la bataille, tu sais, les mecs qui ont jamais vu le soleil parce que la terre était toujours recouverte de nuages et tout. Et là, voilà, on a libéré la terre et le soleil arrive sur la terre, quoi. Et ça, c'était juste magnifique. Du coup, ça s'est fini. En mode avec d'autres résistants qui débarquent à Berlin pour. Fêter la victoire avec du coup Michel Cetra qui arrive et avec une petite scène finale où moi je me retrouve avec Phil and Finger, Michel Cetra sur la place qu'on va appeler la place de la liberté plus ou moins et on va fumer le cigare tous les trois, tu vois, en mode ça c'était du travail bien fait. Et j'ai kiffé cette scène-là, tu vois, ce petit passage en fin de partie. C'est vraiment le cliché du film militaire, ouais, ouais. C'est ça, la guerre est finie, on fume un cigare. Quoi. Mais c'était ça, je l'ai calé, en plus avec Phil and Finger, c'était trop bien. Et Michel Cetra, deux mecs, du coup, Phil and Finger, on le connaissait depuis pas longtemps, mais c'était un méga bourrin, j'ai commencé à l'admirer de suite. Je me suis dit, oh putain, lui... Et avec mon grand pote Michel Cetra, donc c'était vraiment sympa d'avoir cette petite scène à la fin. Bien qu'il y avait de nouvelles interrogations qui allaient soulever, quid de ce nouveau quadrilla, de sauveuse. Alors toi, en tant que joueur, comment tu l'as pris? Parce que quand t'as vu Rafi, du coup, arriver avec... ma nouvelle fiche de perso, voilà, on avait déjà tout fait. Donc t'as débarqué, hop là. Bah, j'ai jeté ma fiche de perso sur... sur, je sais plus, il y avait une chaise ou un truc là devant nous, et j'ai jeté ma fiche de perso dessus devant Tom en gueulant mon renaissance et tout. Je me suis dit, mais quelle bande d'enculés. Je me suis dit, non, mais j'étais trop blasé parce que je me suis dit, mais les gars, ils avaient prévu leur coup depuis le début. Et depuis le moment où il m'a dit que je faisais des cauchemars. Et du coup, en fait, ce côté-là, vas-y, signe le testament, là, pour mon fils et tout, c'était tout calculé. Du coup, maintenant, je l'ai bien dans le cul. Et ils ont joué avec moi. Et là, ah oui, totalement. Et là, je me suis dit, bah ouais, bah moi aussi, je vais jouer. Mais du coup, je savais de toute façon qu'à un moment, jusqu'à ce qu'on soit rendu au même point avec Rafi, puisque lui avait déjà fait Renaissance et Mort, qu'il allait forcément pouvoir jouer avec moi sur certains points. Ouais. Mais là, tu vois, c'était... Celui-là était magnifique. Ah, ça, c'était vicieux. Ouais. Ouais, parce qu'en vrai, moi j'ai su, enfin, à partir du moment où j'ai commencé à faire les cauchemars, donc ça faisait bien 4 ou 5 parties que j'étais au courant de ce qui allait arriver, donc avec Jay, on prévoyait ça depuis... depuis un moment, ouais. Depuis super longtemps, quoi. Ce qui a permis de beaucoup réfléchir à mon personnage de Quadrilla, savoir comment il allait être et tout. On avait déjà beaucoup, beaucoup réfléchi dessus, quoi. Mais du coup, ça a laissé plein de questions, cette fin de partie, parce qu'après, on a discuté avec Rafi et tout. J'ai fait, bon, bah, je suis content que du coup Trevor soit plus ou moins pas mort, parce que du coup, je vais pas avoir à m'occuper du gamin et tout. Et tu vois, je restais sur cette fin de partie, quoi. Et il me dit, bah, on verra la prochaine partie comment ça va se passer et tout. Je fais, bah. Ça va être le début de Sans Mort. Ouais, voilà. Mais du coup, c'était bien. On avait enchaîné, en plus, nous, on a enchaîné Sans Mort dès le lendemain. On n'est pas resté, tu vois, sur une. On s'est rendu compte qu'on était tous dispo le lendemain. On s'est dit, bon, bah, en fait. On continue. Comment c'est mort. Mais du coup, Renaissance, quoi. Bah, la bataille épique de fin. Avec franchement, le fait qu'on libère la Terre et tout, c'est quand même super jouissif, quoi. Non, mais moi j'étais en pression. Mais vraiment, l'ascension fulgurante. On a la quête scène, par contre, après, avec l'amiral Ghost. Ah oui, c'est vrai, moi je vous l'ai fait, la petite quête scène. On a la petite quête scène où, du coup, il discute avec Miphos, et que Miphos lui dit, non, mais de toute façon, ça fait partie du plan. Tout se passe comme prévu. C'est ça, quoi. Libérer la Terre, pouf. Qu'ils y aillent, c'était prévu, de toute façon. Y a pas aussi la petite quête scène avec Maria. Il y a Maria qui s'évanouit aussi. Ouais. Qui s'évanouit dans le. Au moment où elle utilise la souris. Sans... Parce que. Ouais, tombe. Solipsis nous dit qu'il y a eu un problème avec Maria ou je sais pas quoi. Non, bah elle s'évanouit. Elle s'évanouit. Ouais. Mais. Franchement, bonne dernière partie. Moi j'étais à fond. Les combats étaient énormes, quoi. Ouais. Tu sais, en plus, on n'a pas eu vraiment. Moi j'ai pas eu de combat contre De Cadria du coup sur cette partie, mais. Tous les combats étaient intenses, c'était super difficile. En plus, j'avais vécu des moments super durs dès le début, tu vois, où on me disait, voilà, t'as peut-être perdu sauveuse. Puis après, elle apparaît sur la bataille de Berlin contre Virtuose. Comme Virtuose, alors que moi, je suis pas là pour pouvoir la sauver. Alors je me dis, putain, comment ça va se passer et tout, tu vois. Surtout que mon perso peut pas y aller parce qu'il le sait pas lui, mais moi en tant que joueur j'aurais trop envie de l'emmener. Puis elle disparaît encore, alors je me dis putain elle est remorte, ça se trouve, et tout, elle réapparaît. C'était vraiment n'importe quoi. Puis Trevor, c'était non mais cette partie, moi j'ai... voilà, cette partie j'avais plus le sentiment que tu vois qu'elle était plus pour moi que pour. Bah elle était forte en émotion pour toi, bah, parce qu'on avait prévu plein de trucs pour. Du coup. Pouvoir te faire péter des plombs. Bah oui, mais moi j'ai pété des plombs tout le long, quoi. Ouais, j'ai vraiment pété des plombs tout le long. Et c'était vraiment cool. Moi, c'était une partie vraiment riche en émotions. Et ça concluait très bien Renaissance. Mmh. C'est pas pour rien que c'est peut-être mon bouquin préféré. On a vu plein de batailles épiques, ce qui est carrément ton truc. Mais puis la dernière, là, à Berlin, a été vraiment très très épique. T'as pu taper sur tout ce que tu pouvais. Ouais. Il était content. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il y avait de la baston, il y avait de l'émotion. Il y a pas un moment où t'as ouvert un char à coup d'épée et jeté une grenade dedans? Bon, ça, mais c'était Mario 99. C'était 99, ouais, après, je sais plus. Il avait pas fait ça, un truc où replacer la grenade dans le canon ou un truc comme ça? Non, mais de toute façon, ouais, t'avais tout dérouillé. Contre les chars, j'avais qu'une technique, c'était les couper en deux à coup d'épée. La filonite, ça traverse tout. Alors pourquoi se priver? On était pas en mode. J'étais vraiment en mode, tu vois. T'as une 3DM, donc forcément. Je disais à l'escadron, allez-y, mettez-vous à couvert, couvrez-moi, moi j'y vais. Le mec, tête baissée. Non, il n'y avait pas de soucis. Ça me faisait pas peur. Bon, au final, toi, tu peux t'en faire trois. Mais après, quand il y en a trois autres derrière, ça commence à devenir un peu compliqué. Ouais, mais parce bon. Que là, on a fait ça comme des bourrins. Parce qu'avec les ombres pouvoirs, il y avait moyen de faire autrement. Et... Ouais, mais moi, je les maîtrise pas, les ombres pouvoirs. Oui, non, mais bien sûr. Bah, à ce moment-là, bon, non plus, pas plus que ça, à ce moment-là. Non. Je veux dire, à part mon boost que j'utilise, que j'ai pas spécialement. Parce que d'un coup, le point d'ombre énergie, il est pas le même. Quoi. Quand je passe de Bug à Kadria, mes points d'ombre énergie, ils ont quadruplé quasiment. Quoi. Donc d'un coup, j'ai pu me permettre de faire beaucoup plus de choses. Ouais, la puissance du Kadria. Ouais, parce que je crois qu'à la base, Trevor, en créa, il avait pas grand-chose. Quoi. Si j'atteignais les 23, j'étais content. Et là, je suis passé, je sais plus, à 60. Oui, parce que du coup, c'est ta vie qui t'a servi de point de créa. Et du coup, c'était la fête. Moi, quand j'ai vu comment fonctionnait ton système de Kadria, j'ai fait... Wow, c'est trop bien. Bah, j'étais un peu blasé du coup parce que j'aurais voulu que quand j'ai su qu'il était devenu Kadria et qu'il y avait moyen du coup de devenir Kadria, j'aurais trop voulu que ce soit moi du coup le Kadria parce que moi j'avais une histoire avec Sauveuse, du coup ça m'a un peu blasé, tu vois. C'était trop facile. Bah oui, je sais que c'était trop facile, mais ça m'a blasé, tu vois. J'étais. Sans, ça avait déjà tout prévu, voyons. Tu sais, non mais. En plus, tu sais, il y avait ce petit côté putain, du coup il peut plus avoir de relation. Voilà, il va avoir la même relation que moi avec Laura. Est-ce que il va pas, tu vois, tenter une histoire avec la dernière Kadria survivante? Il y avait, tu vois, plein de petits trucs qui commençaient à se mettre en place dans ma tête, moi. c'était un peu bizarre. Coup de panique. Bah non, mais j'avais. Non, mais c'est vrai que c'est marrant ça. Bah non, mais ouais, j'allais pas te. Bah oui, non, mais surtout avant Sans Smeur. Après Sans Smeur, à la rigueur, bah ouais, pourquoi pas. Pour arriver dans Néant, entre quoi. Kadria, pourquoi pas, c'est petits oiseaux. Mais non, faut passer par Sans Smeur, donc. Ouais, mais du coup, tu vois, un petit peu de. En plus, il était tellement fumé le cadre, j'avais trop envie de me dire, oh, j'aimerais bien le jouer celui-là. Au final. Oh, mais moi, je suis très content de mon bug, hein. J'adore. Bah après, bah, dans Mort, nos persos, ils ont évolué de façon. Différente, mais. Voilà. Mais c'était. Voilà, on découvrait l'archétype du Kadria, tu nous l'as montré de façon bien fumée, en plus. C'était cool. Ouais, j'avoue, je me suis fait plaisir. Je sais pas si tu nous fais pas une petite cutscene aussi sur Météor qui est pas là du coup sur Non, on le retrouve au début de Mort, Météor, je crois. Ouais, Météor, c'est, je crois que j'en dis rien à ce moment. Ouais. Mais bon, c'était non, parce que pour nous ils étaient tous les Kadria devaient être à Berlin, donc normalement pour nous à ce moment-là il y a que Sauveuse qui a survécu. C'est ça. C'était beau. Et moi pour le coup. C'était beau quand même que Trevor et son dernier mot pour Phil and Finger alors qu'il l'avait jamais connu. Ouais. Surtout que bah, c'est surtout pas bien passé. C'est avec le fait en plus que avec les doutes sur les immortels et tout, c'est vrai que c'est de découvrir du coup la parenté Sword avec Solipsis et Phil and Finger et tout, ça a été c'était prévu quand moi j'ai créé mon personnage, on est bien d'accord, mais du coup avec l'appréhension des immortels, c'est vrai que je me suis pas rapproché de Phil and Finger. Quoi. À ce moment-là. Bah, t'as pas trop le temps. Et en même du temps. Coup, et du coup, de placer ces derniers mots. De toute façon, ils étaient là pour faire chier Phil and Finger. Quoi. Je voulais lui mettre le doute dans le. Dans c'est la vrai tête. Que c'est vrai qu'au final, je pense que ça leur a fait chier. Il aura perdu son petit-fils adoptif, du coup, et ça aurait été chiant, je pense. On en a pas parlé avec lui, mais. Il y fera référence, mais très peu. Mm. C'était cool. Mais moi, voilà, c'était une parfaite conclusion pour Renaissance. Comme je te dis, j'étais trop bien sur Renaissance. Et tu vois, dans les podcasts qu'on a enregistrés sur voilà, tout Renaissance, je me souviens très bien de tout ce qui s'est passé pendant. On était des héros, là, pour le coup, quoi. Ce côté épique, surtout, voilà, c'est ce que je recherchais pour un premier jeu de rôle. Et ça m'avait trop plu. De l'émotion, de la baston. Puis après, il y a Mort, quoi. Et après, il y a Mort. Ouais. Cela sera pour un autre podcast. Ouais. Vous avez encore quelque chose à rajouter? Moi, bon, je sais pas. Toi, ça t'a plu De masteriser tout ça. Ah bah ouais, moi c'était cool, hein, franchement. Voilà, Renaissance. Parce que je sais que du coup, Renaissance, c'est le bouquin que t'as le plus masterisé, je crois, des trois. Renaissance, je l'ai fini 4 fois, je crois. Donc du coup, ouais, t'étais rodé, quoi, là-dessus. Oui. Parce que tu me racontais un peu de ces anciennes parties, tu disais que c'est carrément différent de la première fois où tu l'as fait jouer. Ouais, bah, y a, entre ma première table qui fait un peu office de crash test et la vôtre qui est la dernière, forcément. Parce que non, mais ça se sentait de toute façon, enfin, même comparé à la première table que moi j'avais fait, que tu maîtrisais plus le jeu encore. Quoi. Même si déjà la première table était déjà épique hein, quand on a joué Renaissance. Hein. Mais c'est vrai que ça se sentait quand même que t'étais plus à l'aise que la première fois. Quoi. C'est normal. Ouais. Ouais, du coup, au final, ça aurait fait quoi? Une dizaine de scénars? C'était pas mal Ouais, un truc comme ça, une dizaine. C'était bien. On a eu chacun l'occasion de faire des petits solos, Mais tu vois. Le but n'était pas vraiment de faire des solos parce que vu qu'on était deux de toute façon et qu'on se voyait très souvent, on avait vraiment l'occasion de faire la campagne. Donc du coup, c'est vrai qu'on a avancé vachement vite. Renaissance, on l'a quand même... On l'a bouffé. Je crois qu'il nous a fallu peut-être 2-3 mois. Ouais, quelque chose comme ça. Parce que je sais que... Avec les campagnes à deux joueurs, pour ça, c'est vachement pratique. Mais c'était bien. Après, bon, bah, à 3, ça va, c'était pas trop problématique, mais bon, ça a pas tenu très longtemps. Mais au final, moi, j'ai bien aimé cette fin de campagne à 2. Ouais, bah. Parce que du coup, à 2, c'est vrai que nos persos, on a très facilement pu s'accrocher, tu vois, les uns aux autres, de façon très forte. Et on les a beaucoup développés d'un point de vue social. Tu vois, moi, je connaissais... C'est toutes ce que je dis toujours, une moitié de partie de vie quotidienne et l'autre moitié, où on fait le scénar. C'est ça, et la vie quotidienne, on l'a bien... Moi, j'aime bien vous lâcher dans les rues, chez vous. Bah, c'est vrai qu'on avait tendance à faire, ouais, quasiment, peut-être 2 heures et demie, où... Bah, vous êtes au pôle sud ou à Aqua City, vous faites ce que vous voulez, qui est-ce que vous avez envie de voir, qu'est-ce que vous avez envie de faire, et à un moment, bah voilà, quand nous on avait l'impression d'avoir fait tout ce qu'on voulait dans Aqua City ou pôle sud, bon bah voilà, là vous avez reçu un message de Gladius ou de Solipsis qui vous dit de venir, et après comme ça nous permettait bien de faire social et tout, parce que ça faisait, ouais, à peu près 50-50, c'était bien. Et ça nous a vraiment permis de faire des... Tu vois, parce que... On a créé plein de PNJ, quoi. Bah, on a créé plein de PNJ, du coup, dont on va se resservir assez souvent. Et bah moi, j'ai eu une relation assez importante, du coup, avec Trevor et Laura. Ce qui n'aurait pas été le cas, tu vois, si on avait fait que de la... De la mission, ouais. Tu nous as tendu, tu sais, comme tu disais, tendre, tu sais, comme on disait sur le dernier podcast, sur l'idéologie de la résistance, donner, tu sais... des liens, tu sais, une façon de se lier aux autres résistants, oui. Et tout, vachement. Donner du grain à moudre aussi. Ouais. Donner des occasions, parce que par exemple, Sauveuse, c'est pareil, c'est toi qui me l'as calé dans les pattes et qui a fait qu'elle réapparaisse à peu près à chaque partie. C'était cool parce que vous étiez vachement réceptif à ça aussi. Bah, on faisait la part des choses, quoi. Il y avait un temps pour le social, un temps pour. Et c'est un truc qu'on va garder à peu près, je pense. Tout du long, parce que ce soit sur mort et sur néant. On s'est toujours trippé à faire 50%. Ouais, avant. Moi, c'est comme ça et que encore, je masterise. Il y a eu des parties, en néant par exemple, où on fait que du social. Oui, c'est arrivé. Ou est-ce que du coup, le scénar, il n'a pas bougé d'un pouce et on a fait que du social, quoi. Dans néant, ça nous a dû nous arriver aussi avant. Ouais, quoi. Ouais, dans mort, ça arrivera aussi. Ouais, mais, il me semble. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup joué sur l'environnement et sur l'univers en lui-même sans parler du scénar. Quoi. Mais ça faisait quelque chose quand même de finir Renaissance. Tu sais, ça me faisait... Ah, parce qu'on finit en héros, c'est vrai quoi. Enfin, notre but, il est de sauver la Terre, et là, on a sauvé la Terre, quoi. Même si on a plein de questions qui se pointent, on a quand même sauvé la Terre. Parce que nous, on le sait pas, pour Miphos et Ghost, quoi. Ouais. Nos persos, ils le savent pas, quoi. Donc on a sauvé la Terre, quoi. Ouais, ouais. On est trop fort les deux fois. Hein. Moi, les deux fois où je l'ai joué, c'est super jouissif de sauver la Terre, quoi. Ouais, bah ouais. Mais bon, ça, je pense qu'il se passe après, ça reste justif. Un peu de tristesse quand même pour les quadrillas de vie. Bon, moi, j'en avais un peu rien à péter, honnêtement. Tant que j'avais sauvé Sauveuse, c'était bon pour moi. Kranisten, il avait beau me dire sa façon de penser. J'en avais rien à péter. Faut dire qu'on avait tellement joué à l'ascenseur émotionnel pendant la partie que. Ouais, non, mais je crois que la fin du discours. Séraphique a dû me dire, ah ouais, non, mais il nous a déjà parlé de la respiration. Ah bon, t'es sûr? Ah non, mais moi j'étais pas dessus. Voilà, je redescendais, c'était fini. Le discours de fin, c'était, tu vois, j'étais tellement en train de redescendre, en train de souffler, que le discours de Kranisten, il m'est passé un peu au-dessus de la tête et j'ai plus repensé après partie, avec son côté, tu disais, on en parlait tous les deux, que. T'sais, c'était un peu moi je disais que je comprenais pas leur façon de penser et tout, mais que c'était ce qui était déjà dit, redit, oui. Dans les podcasts, ouais. Que les gens comprenaient pas trop cette façon de faire du quadrilla, ouais, le, ce, cette espèce de suicide collectif. Ouais. Bon, c'est pas évident à comprendre. Bah, je sais pas, toi, ça, c'est un truc qui te marque, toi, quand même. C'est un truc qui t'a touché, toi. Bah ouais, parce que du coup, c'est juste que c'est le seul plan qu'ils avaient, quoi, pour pouvoir atteindre Miphos, parce que bah, eux, ils sont au courant pour les quadrillades Cosmo, quoi. Ah oui, si, ils nous parlent de ça avant de crever. Ils le disent, hein, que. Si, ils nous teasent sur les quadrillades Cosmo avant de crever. Que nous, on trouvait déjà les quadrillades vite balèzes, mais qu'ils étaient rien comparés aux quadrillades Cosmo, quoi. Et là, je me suis fait. Il fallait bien faire quelque chose, quoi. Là, je me suis frotté les mains quand il m'a parlé des quadrillas de Cosmo. Ça, je crois que je m'en suis souvenu. C'est le seul truc que j'ai relevé. Il y a des quadrillas encore plus forts. Non, t'es sérieux? Allez, c'est parti, mon kiki. Il rigolera pas aussi longtemps qu'il le pense. Ah, oh, bah non. D'accord. Bon, on va s'arrêter là. Ouais. On va finir Renaissance. En temps voulu. Ouais, en tout cas, ce fut un plaisir de parler de Renaissance. Ouais. Ça fait plaisir de se retomber dans les bons souvenirs. Bon, salut tout le monde. Salut. Bye bye.